135. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, je suis fort, fort. Par le sang de Jésus, mon Sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon Sauveur, veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang du Christ. Je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon Sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, je suis fort. Par le sang de Jésus, mon Sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon Sauveur, veux-tu du ciel? Veux-tu du ciel approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon Sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Alléluia. 204. Et vous êtes corrompus. Là où on chante la deuxième personne, là où on chante la première personne. Là où on chante la première personne. Une main forte, l'étendre.